Chapitre 3. Le dimanche suivant, la baronne et Jeanne allèrent à la messe, poussées par un délicat sentiment de déférence pour leur curé. Elles l'attendirent après l'office afin de l'inviter à déjeuner pour le jeudi. Il sortit de la sacristie avec un grand jeune homme élégant qui lui donnait le bras familièrement. Dès qu'il aperçut les deux femmes, il fit un geste de joyeuse surprise et s'écria « Comme ça tombe ! Permettez-moi, madame la baronne et mademoiselle Jeanne, de vous présenter votre voisin, monsieur le vicomte de Lamarre. » Le vicomte s'inclina, dit son désir ancien déjà de faire la connaissance de ces dames, et se mit à causer avec une aisance, un homme comme il faut, ayant vécu. Il possédait une de ces figures heureuses dont rêvent les femmes et qui sont désagréables à tous les hommes. Ses cheveux, noirs et frisés, ombraient son front lisse et bruni, et deux grands sourcils réguliers, comme s'ils eussent été artificiels, rendaient, profonds et tendres, ses yeux sombres, dont le blanc semblait un peu teinté de bleu. Ses cils, serrés et longs, prêtaient à son regard cette éloquence passionnée qui trouble, dans les salons, la belle dame hautaine, et fait se retourner la fille en bonnet qui porte un panier par les rues. Le charme langoureux de cet œil faisait croire à la profondeur de la pensée et donnait de l'importance aux moindres paroles. La barbe drue, luisante et fine, cachait une mâchoire un peu trop forte. On se sépara après beaucoup de compliments. Monsieur de Lamarre, deux jours après, fit sa première visite. Il arriva, comme on essayait un banc rustique, posé le matin même sous le grand platane, en face des fenêtres du salon. Le baron voulait qu'on en plaçât un autre pour faire pendant sous le tilleul. Petite mère, ennemie de la symétrie, ne voulait pas. Le vicomte consulté fut de l'avis de la baronne. Puis il parla du pays, qu'il déclarait très pittoresque, ayant trouvé, dans ses promenades solitaires, beaucoup de sites ravissants. De temps en temps, ses yeux, comme par hasard, rencontraient ceux de Jeanne, et elle éprouvait une sensation singulière de ce regard brusque, vite détourné, où apparaissait une admiration caressante et une sympathie éveillée. Monsieur de Lamarre, le père, mort l'année précédente, avait justement connu un ami intime de monsieur des Culteaux, dont petite mère était fille, et la découverte de cette connaissance enfanta une conversation d'alliance, de date, de parenté interminable. La baronne faisait les tours de force de mémoire, rétablissant les ascendances et les descendants d'autres familles, circulant, sans jamais se perdre, dans le labyrinthe compliqué des généalogies. « Dites-moi, vicomte, avez-vous entendu parler des Saunois de Varfleur ? Le fils aîné, Gontran, avait épousé une demoiselle de Courcil, une Courcil-Courville, et le cadet, une de mes cousines, mademoiselle de la Roche-Aubert, qui était alliée au Crisange. Or, monsieur de Crisange était l'intime de mon père, et a dû connaître aussi le vôtre. Oui, madame, n'est-ce pas ce monsieur de Crisange qui émigra et dont le fils s'est ruiné ? Lui-même. Il avait demandé en mariage ma tante, après la mort de son mari, le comte des Retrits, mais elle ne voulut pas de lui parce qu'il prisait. Savez-vous à ce propos ce que sont devenus les Villoises ? Ils ont quitté la Touraine vers 1813, à la suite de revers de fortune, pour se fixer en Auvergne, et je n'en ai plus entendu parler. Je crois, madame, que le vieux marquis est mort d'une chute de cheval, laissant une fille mariée avec un Anglais et l'autre avec un certain Bassol, un commerçant, riche, dit-on, et qui l'avait séduite. Et des noms, appris et retenus dès l'enfance, dans les conversations des vieux parents, revenaient. Et les mariages de ces familles égales prenaient dans leurs esprits l'importance des grands événements publics. Ils parlaient de gens qu'ils n'avaient jamais vus, comme s'ils les connaissaient beaucoup. Et ces gens-là, dans d'autres contrées, parlaient d'eux de la même façon. Et ils se sentaient familiers de loin, presque amis, presque alliés, par le seul fait d'appartenir à la même classe, à la même caste, d'être d'un sang équivalent. Le baron, d'une nature assez sauvage et d'une éducation qui ne s'accordait point avec les croyances et les préjugés des gens de son monde, ne connaissait guère les familles des environs. Il interrogea sur elles le vicomte. Monsieur de Lamarre répondit « Oh, il n'y a pas beaucoup de noblesse dans l'arrondissement. » Du même ton dont il aurait déclaré qu'il y avait peu de lapins sur les côtes. Il donna des détails. Trois familles seulement se trouvaient dans un rayon assez rapproché. Le marquis de Coutelier, une sorte de chef de l'aristocratie normande. Le vicomte et la vicomtesse de Briseville, des gens d'excellente race, mais se tenant assez isolés. Enfin, le comte de Fourville, sorte de croque-mitaine, qui passait pour faire mourir sa femme de chagrin et qui vivait en chasseur dans son château de la Vrillette, bâti sur un étang. Quelques parvenus, qui frayaient entre eux, avaient acheté des domaines par-ci par-là. Le vicomte ne les connaissait point. Il prit congé, et son dernier regard fut pour Jeanne, comme s'il eût adressé un adieu particulier, plus cordial et plus doux.